premium. Ok. Depuis tout petit, j'ai de l'argent en stock. Y'a des pères. Quand tu fais le mastoc, je rap sec, sec. J'allume what the fuck. Toi et toute ta clique, manquez-vous, je vous choque. Je rap pas pour l'échec, ni pour faire le mec chic. Je représente mon cartel comme les mecs du Mexique. Mais Azik, je fume un pète ainsi. Je regarde le coucher du soleil vers Cassis. Laissez-moi, j'apprécie. Je trouve squatter la Tessie. Espèce d'imbécile. Toi, t'as tout pour être bien, mais tu fais toujours l'indécis. Un de ces quatre, faut que je parte d'ici. Va niquer tout, j'anticipe. J'suis pas une légende, tu sais. Ouais, demain c'est là. Celle tu m'as laissé là, m'en veux pas, j'ai pris large. Depuis maintenant t'es louche, regarde-moi un slash. Maintenant il lèche, à ce qu'il fait plein de matchs. Tu fais chauffer, mets l'œil sur la voiture, ça fera ricocher. Tu veux faire la photo, tu peux t'approcher. Tu veux faire le match, tu prends un crochet. Allez, je n'ai que le game. Je sais que ça vous fait mal, vous pouvez toujours parler. Plein de concepts, idées phénoménales. Je compte encore tout niquer cette année. Vas-tu chanter, comme sur Snap quand on sera né. Année, le pote on veut que du 7 mail. Elle est love, elle est mal en folie. Des folies, elle lui chante Bessamé. Tu peux encore me rabaisser. Ils croient que rapper c'est facile mais sont pressés. Font deux trois vues, se sentent oppressés. Moi je suis précis, je filme, j'apprécie. Pour pas être stressé, j'aime les moments paisibles. Ouais, ouais, ouais, ouais. C'est qui ces mecs là? Bam bam, pour les mecs en cellule là. Ou bam bam, lui une pente des salons malades. Bam bam, ils m'ont dit on fuck les matons. Fais passer le gîte au parlu à madame. Ça tente pas d'être majeur pour aller au madame. Un Y sur le genou, sur le macadam. Ça sont deux ou quatre ans, moi je lève, j'ai pas le time. Moi c'est Joule, Joule. Sera vite oublié. Mais d'un certain côté, j'ai aussi bien réussi que n'importe qui. L'avenir. Ok. C'est pour mes fous qui veulent des sous pour s'asseoir, se mettre sous. Mes potes ont grandi dans la rue, personne n'a fini médecin. Mets-toi ça dans ta tête. Manque-toi avec nous, ça pète. Qu'est-ce qu'il y a, pote, au champ que t'as faim? Tu fais comme le chien qui tend sa patte. Ma route, je vais la tracer. Mais là, je traîne toujours vers la place. Il fait froid, j'ai les plaies glacées. Je regarde les clients, les indiques passés. Frérot, assume, parle pas à moitié. Ou ta bouche, on va la scotcher. Mes potes veulent voir les cocotiers. Oublie-toi avec des flashs la noche. Plein de soucis dans ma tête, c'est pas la fête. Des fois seul, je parle à mon pète. Je m'embête que ça t'oublie. Y'a que des salopes en fait. Pour faire tout ce que j'ai fait, on m'a pas dit comment faire. Et je suis pas faux, crois pas que je dis des sottises, mon frère, je m'enferme. Pour pas voir ce monde debout, ça se défie pour qui. Et en plus après ça se défile, moi je me défoule. Je n'ai rien de particulier, je veux faire le bien comprendre, alors je pense à articuler. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai jamais frimé, tard j'ai fumé comme un skeg. Des fois je suis mal luné, je rouge sous mes lunettes. Même en colère, je reste toujours mélancolique. Ma devise depuis le CP, c'est juste personne et trahis pas ton collègue. A chaque fois, il faut que je prouve que j'écrive. C'est ma drogue, c'est ma vie, c'est mon taf. Laissez-moi, je suis dans mon film, il me faut ma villa dans la montagne. Pour l'instant, je me lève à cause du bruit des voisins ou parce que j'entends ma musique le matin. J'étais bien, tu veux me la faire? Là, tu vas droit dans le mur. Quand j'aime bien, je donne tout. Quand j'aime plus, ben c'est dur. C'est vrai que c'est tard, chacun ses torts. Chacun son trou dans le compte des banques. Chacun son terre, chacun son péché, chacun son ébrouille. Personne ne sait pas, c'est quand y'a quoi serrer. Y'a trop de langues de pute dans les parages. Raconte des fausses histoires sur moi par jalousie, ils mettent la rage. On se faisait tourner la taille. Maintenant, à cause des disputes, quand un arrive, ben l'autre se taille. C'est trop réel. Du coup, à la vie, pour ça que jamais je me promène. Et j'étais que le manque de sous, mais des coups de couteau dans l'abdomen. Trop de putes. Après, on me demande pourquoi je suis déçu. À ton avis, les gens ils me parlent parce qu'ils m'aiment bien ou parce que j'ai des sous. On va savoir. On le saura jamais ou très vite. On verra ou pas qui profite, qui aura ou pas le trophée. Je peux plus aller en ville, je suis à peine dégoûté. J'aurais dû faire une Daft Punk, on m'aurait pas vu, on m'aurait juste écouté. Espèce de fils d'Eb. Dis s'il te plaît, on sait que t'as les crocs, tu serais prêt à nous lâcher parce que l'ami s'il te plaît. Je n'aime pas les gens qui tapent, faut vite zapper. On dit souvent que c'est celui qui est l'avant qui se la met dans le nez juste après. Malheureux comme de voir deux potes qui se tapent, c'est froid dans le quartier. Balance à la fenêtre, prêt à appeler la police, c'est chaud dans le quartier. Je fais des tours avant de rentrer chez moi. Je fais des détours, on va rester dans le bloc, mais ils vont faire tous les jours. Fais des tours du bâtiment, je pas du quartier. Je fais des tours avant de rentrer chez moi. Chez moi, je fais des détours. Gaza. Là où ça branche et les belles ragaza. Un bruit pour du shit et moi y'a pas de ça. On t'en plus, cousin, t'es pas accès. Dans ma zone, c'est couteau. En tant que c'est Cali. Marseille, c'est Zizou, c'est tapis, c'est poli. Longe les murs. Ou capuche-toi quand tu passes, espèce de pute. Fais pas la piste, vas-y, trace. Longe les murs. Ou capuche-toi quand tu passes, espèce de pute. Fais pas la piste, vas-y, trace. Ouais. M'en bats les couilles, ta bise. Avec ou sans toi, je fais mon bise. M'en bats les couilles, ta bise. Avec ou sans toi, je fais mon bise. Chico, Flo, Maxime, Malik, MZ, Badjo, Rez, Brice, Dylan, Billy, Am, Peng Peng, Moubzer, et Amido, Kaku, Nico, grosse dédicace à tous Skyrock, Fred, tout ça, et merci bien.